Ça peut le risque dans le 9-2, y'a pas de curé. Puriste, bis, tu peur, curé, lourd, querelle. Prolifère le buzz, les procès sur une latesse. Rumine et transgresse les mêmes règles. Ma prose, une grossesse, à 4 kills coke, c'est crime, tel une taupe. Ou dire que le monde est stone, mais calculé, coque, échec, massif. Toujours carburant tandem ou seul économise. Tant de blême ou seum, Nautilus, Monopolis, Candice, l'emblème des bandits. L'ambition de test, Nautilus et Death. Il faudra tout surpasser sa tête avec ma technique, le flow va t'enculer sur place. Punch à un DSL, criminel, rien ne me touche pas. Naturel, free musique, frénésique, des balles réelles dans mes touches car j'arriverai tant bien que mal. Tant que mon intégrité ne bouge pas, même si de destruction massive. Si tu me recherches, ne me retrouve pas, ne l'ouvre pas, ne me saoule pas. Sous le cap, trop de soupapes, dans mes cheveux, trop de soupapes. C'est trop chimique, ne me pousse pas. Nautilus, Death. Les lois, les transgresses, un thème coule la tête dans la plume, sur la temple en plume. Les temps pressent, mais le bitume, guerre, ça pèse, Death. Nautilus, pas de tendresse, Nautilus, Death. Les lois, les transgresses, un thème coule la tête dans la plume, sur la temple en plume. Les temps pressent, mais le bitume, guerre, ça pèse, Death. Nautilus, pas de tendresse. Attention, la zone sans préambule. Chaque mesure puis le massacre, chaque cadavre mérite sa matraque. Une bastos pour chaque but qui déambule. Il délivre un cœur quand on fracasse. Attends que tu n'as pas de crack, un MC qui n'a pas le track. Vérité absolue, une poucave raconte pas de crack. Qui survit au jeu du foulard finit en balle. J'en speakrap surgelé au car plat. Inutile l'assistance cardiaque. Quand tu risques de finir dans sa vie. Vers sa chose devant les cieux, pendel satis. Mercantile en monteur, check en escalier. Beau camp portier, calibre. Autodidacte, mais c'est un crime. Le flingue me calé. Pathologique, destin ennemi. Patibulaire et bestial, tel une vermine. Le pain une cible accessible à tous. Sont bien la prison, c'est le pouce. Tu écoutes si t'es pas Nautilus et Death. Les mecs à cité adhèrent au concept macabre. Les systèmes se mettent à flipper. Nautilus, Death. Les lois, les transgresses. Un thème coule la tête dans la plume. Sur la temple en plume. Les temps pressent, mais le bitume, guerre, ça pèse, Death. Nautilus, pas de tendresse. Nautilus, Death. Les lois, les transgresses. Un thème coule la tête dans la plume. Sur la temple en plume. Les temps pressent, mais le bitume, guerre, ça pèse, Death. Nautilus, pas de tendresse. Va faire croire, le chétan dans le chemin est croix. Trame le mal, s'installe, les tapes, les drames sur nos dalles, entame les fleurs de nos dames. Mélancolique et le macadam. Où sont écoulés quelques kilogrammes, quelques ânes et quelques larmes. Un étang de ma arme, ex-membre du crime. Sur la table, y'a un set de vent, triste de décès, soin devant. Destruction et Nautilus, pas des piliers de comptoir comme Bacchus. Va trouver de l'amour en calinant des cactus. C'est plus râle et le thème, j'ai plus de grêle, Mistral passe, rare, big, sans à la tête, à mon aise, big, taf. Rapide vision, Nautilus. Destruction massive, l'industrie sans contraceptif. Industrie, t'es la contraceptive. Au tout près des jaunes. Cherche plus de responsable à nos malheurs, même si c'est bien de leur faute, s'il y a des chauves. Laisse la lumière éteinte dans le hall. C'est pour notre sécurité, car obscurité imperméable au flashball. Nautilus, Death. Les lois, les transgresses, un thème coule la tête dans la plume, sur la temple en plume. Les temps pressent, mais le bitume, guerre, ça pèse, Death. Nautilus, pas de tendresse. Nautilus, Death. Les lois, les transgresses, un thème coule la tête dans la plume, sur la temple en plume. Les temps pressent, mais le bitume, guerre, ça pèse, Death. Nautilus, pas de tendresse. Ok, ok. Street Master, ok, ok. Autodidacte, autodidacte. Last beat, musique, DJ 9, DJ 9. Ok, ok. DJ 9, Nautilus, check. Nautilus, destruction massive. Check, check.